C'est la fin de cette nuit des ruines en compagnie d'Alain Schnapp, spécialiste de l'antiquité grecque et professeur émérite à l'université Paris 1. Nous avons écouté cette nuit les nuits magnétiques du Zocalo au Salon Colonia. C'était une émission de 1998. La restauration des temples d'Angkor avec la voix de l'archéologue Bernard-Philippe Grolier, une émission de 1961. La fabrique de l'histoire, le voyage en Grèce, un documentaire d'Anaïs Quin et Christine Robert de 2007. Puis le Louvre revisité, dialogue donc un peu inattendu entre la photo et les peintures d'Hubert Robert. Cette émission était suivie d'un entretien avec la critique Diane Scott autour de son livre « Ruine, invention d'un objet critique ». Il y avait ensuite l'émission « Électrophonie, la musique des ruines », une émission de 2003. Puis cet entretien que vous avez écouté tout à l'heure à voix nue avec Jorge Luis Borges, une intervention de 1978. Et l'émission qui s'est terminée il y a un instant, Euphonia, les ruines romantiques, une émission de 1989. J'ai envie de vous entendre pour la fin de cette émission, Alain Schnapp, autour de quelque chose que je trouve très frappant aujourd'hui et qu'on voit dans l'actualité. C'est une espèce de disjonction, de peut-être de rupture entre des logiques contradictoires aujourd'hui autour des ruines. Je veux parler de ce combat peut-être symbolique entre une logique commerciale d'exploitation touristique des ruines et cette logique patrimoniale et de mémoire. Comment faire aujourd'hui quand on est conservateur, quand on est archéologue, quand on est directeur de musée pour mettre en résonance ces deux logiques et permettre au public d'accéder à tous ces monuments, à toutes ces ruines, sans mettre en péril leur survie précisément ? Ça a l'air d'être encore une fois une question contemporaine, et ça l'est parce qu'il n'y a jamais eu tant d'hommes qu'aujourd'hui, et donc plus il y a d'hommes, plus il y a d'éducation de ces hommes, de culture, et plus la curiosité devient forte. Il y a beaucoup plus d'Européens qui vont en Chine et au Japon aujourd'hui qu'il y a seulement 30 ans, quand moi j'étais jeune enseignant. Il y a beaucoup plus de Chinois ou de Japonais qui vont en Europe. Et ça, c'est, je dirais, cet échange absolument naturel et nécessaire entre cultures qui est la part même de l'humanité. Mais jamais la société n'a pu être aussi mobile. Elle est extrêmement nombreuse, notre humanité d'aujourd'hui, et elle est extrêmement mobile. Et donc, ça pose un problème d'usure, un problème de risque que nous voyons, nous savons maintenant que le monde est fini, nous savons que nous envoyons plus de saleté dans l'atmosphère que l'atmosphère n'est capable de les digérer, de nous les restituer. Et de la même manière que nous, quand on voit ce qui se passe au Brésil, après le terrible incendie du musée d'anthropologie, on se dit que il n'y a de futur dans l'humanité qu'en respectant le passé. Et que c'était la grande leçon de tout, des Lumières, et je fais commencer ça à Diderot, et terminer avec, nous en avons parlé, tant Borges que l'auteur surréaliste que je cite Benjamin tout à l'heure, Benjamin Perret. Donc Perret et Borges, ils ont compris déjà que la ruine était un regard porté par le présent sur le passé, et que ce regard devait être respectueux. Donc l'irrespect, c'est les milliers ou les dizaines de milliers de gens qui piétinent au même endroit. Moi, j'ai le souvenir, tout de suite après la chute des colonels, je n'avais pas voulu aller en Grèce avant, d'avoir découvert l'Acropole, et à l'époque, on pouvait monter sur l'Acropole et on pouvait dormir sur l'Acropole. Aujourd'hui, l'Acropole est un gigantesque parc qui essaye de discipliner les masses de touristes qui y arrivent. Donc de même que une des conditions de notre existence dans le futur est le respect de l'environnement, de même une des conditions de notre existence est le respect de ce qui reste du passé. On l'entend à Machu Picchu, on l'entend à Angkor, et avec Bernard-Philippe Grolier, qui en a été l'un des grands restaurateurs, vous pouvez voir comment. La question est de discipliner les curiosités et de mettre en balance le degré d'usure des monuments et des sites en relation avec les personnes qui les visitent. Eh bien, merci beaucoup Alain Schnapp, c'est la fin de cette nuit des ruines en votre compagnie. Je vous rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1 et auteur donc de cet ouvrage « Ruines, essais de perspectives comparées » paru aux presses du réel. C'était la nuit des ruines dans la nuit de France Culture. Antoine Dulster, Virginie Mourté, Hassan M. Meshour, à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Vous pouvez réécouter ces émissions en ligne à la page des Nuits de France Culture sur le site franceculture.fr. Ce n'est qu'une pierre que le soleil chauffe, la main qui la serre, les doigts, la paume fort, plus fort que la mort. C'est ma maison en ruine. Ce n'est qu'un caillou tombé du mur. Ça ne tient plus debout puisque rien ne dure. Demi, c'est ma maison.